Chapitre 12e, Paul. Olivia Marchmont était assise dans le cabinet de son défunt mari, pendant que le cortège funéraire de John s'éloignait lentement sous le ciel nébuleux d'octobre. Une longue file de voitures suivait le char funèbre attelé de 4 chevaux noirs et orné de volumineuses draperies en velours et de plumes blanches flottantes qu'alourdissait l'humidité du brouillard d'automne. Le modeste maître de Marchmont Towers s'était conquis une popularité peu bruyante parmi la bourgeoisie campagnarde, et les meilleures familles du Lincolnshire avaient envoyé leur chef pour faire honneur à ses funérailles, ou du moins leur voiture vide pour les représenter à cette triste cérémonie. Olivia était assise dans la chambre que son mari avait occupée de préférence. Sa tête renversée s'appuyait sur le dossier en maroquin du fauteuil où John s'était assis bien souvent. Elle avait beaucoup travaillé ce matin-là, et tous les autres jours depuis la mort de son mari. Elle avait classé et arrangé tous les papiers avec l'aide de Richard Paulette, l'avoué de Lincoln's Inn, et de James Gormby, l'intendant. Elle savait qu'elle avait été désignée comme seule tutrice de sa belle-fille et exécutrice du testament de son mari, et elle n'avait pas perdu de temps pour se mettre au courant de ce qui concernait le domaine et savoir juste jusqu'à quel point sa responsabilité était engagée. Elle se reposait maintenant. Elle avait fait tout ce qu'il y avait à faire avant la lecture du testament. Elle avait soigné sa belle-fille. Elle s'était tenue dans l'encoignure d'une des fenêtres du salon occidental pour voir défiler le cortège funéraire. Et maintenant, elle s'abandonnait pour quelques minutes à une paresse qui n'entrait pas dans ses habitudes. Le feu pétillait dans la grille, à ses pieds, et un chien au poil hérissé, moitié chien de berger, moitié limé d'Écosse, qui avait aimé John et n'aimait pas Olivia, était étendu de l'autre côté du tapis du foyer et la regardait avec méfiance. L'extérieur de Mrs. Marchmont n'avait pas changé pendant ces 2 années de mariage. Son visage était maigre et hâve, mais il avait été ainsi avant son mariage, et pourtant personne ne pouvait nier que sa figure fût belle et ses traits magnifiquement moulés. Mais ses yeux gris étaient durs et froids. L'arc parfait de ses sourcils donnait à sa physionomie une expression sévère, et ses lèvres minces étaient rigides et comprimées. La figure manquait à la fois de ton et de couleur. Un sculpteur, qui l'aurait copié ligne par ligne, eût produit une belle tête. Un peintre aurait eu besoin d'emprunter des couleurs à sa palette s'il avait voulu faire d'Olivia Marchmont une jolie femme. Sa pâle figure semblait plus pâle encore, et sa chevelure noire devenait plus foncée sous son bonnet de veuve, resplendissant de blancheur. Son vêtement de deuil dessinait ses formes maigres et élancées. Elle n'avait guère plus de 25 ans, et il en paraissait 30. Ça avait été son malheur de toujours sembler plus âgée qu'elle ne l'était. Elle n'avait pas aimé son mari en l'épousant, et depuis lors, elle n'avait jamais ressenti pour lui cet amour qui, chez beaucoup de femmes, naît de l'habitude et du devoir. Il n'était pas dans sa nature d'aimer. Son idolâtrie passionnée pour son jeune cousin avait été l'unique affection qui eût jamais occupé une place dans son cœur. Tout le feu qui existait en elle avait été concentré dans cette folie, cette passion unique qu'elle n'avait domptée que par d'héroïques tortures. Mrs. Marchmont n'éprouvait donc aucun chagrin de la perte de son mari. Elle avait ressenti le choc de sa mort et l'oppression pénible que cause dans une maison la présence de quelqu'un qui a cessé de vivre. Elle l'avait soigné avec dévouement dans ses nombreuses maladies. Elle avait été patiente et attentive pour lui jusqu'au dernier moment. Elle avait fait son devoir. Et maintenant, pour la première fois, elle était libre de contempler le passé et d'interroger l'avenir. Jusqu'ici, cette femme avait accompli la tâche qu'elle s'était imposée. Elle avait tenu loyalement le serment prononcé au pied de l'autel dans l'église de Swampington. Et maintenant, elle était libre. Non pas complètement libre, car elle avait un lourd fardeau à porter. Elle était tutrice de sa belle-fille tant qu'elle serait mineure. Mais sous le rapport des serments et des liens du mariage, elle était libre. Elle était libre d'aimer de nouveau Edward Arundel. Cette pensée s'offrit à elle avec la rapidité et la force d'un tourbillon ou d'un torrent déchaîné. Elle n'était plus épouse. Ce n'était plus un crime de songer au jeune et brillant soldat qui combattait au loin. Elle était libre. Lorsqu'Edward reviendrait en Angleterre, il la retrouverait libre de nouveau, veuve, jeune, belle et assez riche pour un cadet. Il reviendrait, il la retrouverait dans ses conditions et alors. Elle leva vers le plafond une de ses mains fermées et se frappa le front dans un paroxysme de rage. Qu'arriverait-il alors? Serait-il plus disposé à l'aimer qu'il ne l'avait été il y avait 2 ans? Non. Il la traiterait avec la même indifférence cruelle, la même amitié banale de cousin à cousine qui avait été pour elle une moquerie et une torture. Ô honte, ô dégradation! N'y a-t-il donc aucune fierté chez les femmes, puisque l'une d'elles est tombée si bas qu'elle sera prête à se rouler aux pieds d'un beau jeune homme et à lui crier « Aimez-moi, aimez-moi, ayez pitié de moi et tuez-moi !» Il aurait mieux valu que John Marchmont eût vécu éternellement. Il aurait mieux valu qu'Edward Arundel mourût sur quelque champ de bataille de l'Orient, devant quelque forteresse des Afghans, que de revenir lui infliger les tortures poignantes il y avait 2 ans. Dieu veuille qu'il ne revienne jamais, se dit-elle. Dieu veuille qu'il se marie là-bas et qu'il y reste, que Dieu l'éloigne pour toujours de moi en ce monde. Et pourtant, le moment d'après, avec cette inconstance, qui est un des signes caractéristiques de cette folie qui annonce l'amour, ses pensées s'égarèrent dans les rêves d'avenir. Il se figura Edward Arundel de retour à Swampington et à Marchmont Towers. Son âme brisa ses liens et s'épanouit au soleil du bonheur et elle osa espérer que toute joie n'était pas morte pour elle, qu'il lui serait encore possible d'être heureuse. Il n'était qu'un tout jeune homme quand il était parti pour l'Inde, un tout jeune homme insouciant et indifférent. Il reviendrait homme fait, plus sérieux, plus sage, si complètement changé qu'il l'aimerait peut-être. Elle savait du moins qu'aucune rivale ne lui avait fermé le cœur de son cousin à l'époque où ils s'étaient trouvés ensemble 2 ans auparavant. Il avait été indifférent pour elle, mais il l'avait été pour les autres aussi. C'était là une consolation. Elle l'avait questionné adroitement sur la vie qui l'avait menée dans l'Inde et à Dunkerfield. Il n'avait découvert aucune trace d'un tendre souvenir dans le passé ou de riantes espérances dans l'avenir. Son cœur avait été vide, il sommeillait encore. Le temple n'avait ouvert ses niches à personne. La chasse de la sainte n'avait été occupée par aucune déesse. Olivia Marchmont pensait à tout cela. Pendant quelques moments, du moins, sinon pendant plus longtemps, elle s'abandonna à des pensées de ce genre. Elle se laissa aller. Elle lâcha son esprit les rênes qu'elle tenait d'habitude si serrées. Et dans ces brillants moments de délicieux abandon, les rayons d'un soleil glorieux illuminèrent sa vie obscure et les visions d'un avenir possible se déroulèrent à ses yeux en un panorama fantastique qui s'étendait jusqu'à des régions de lumière et de splendeur infinie. C'était possible, c'était du moins possible. Mais une minute après, le panorama magique se rétrécit comme un parchemin à la flamme. Le tableau féerique, dont les couleurs éclatantes avaient ébloui ses yeux et l'avaient presque aveuglé, se changea en une poignée de cendres et disparut. La forte nature de la femme reprit le dessus, et la volonté de fer reparut prête à lutter contre la faiblesse du cœur. « Non, je ne serai pas folle une seconde fois, » s'écria-t-elle. « Cela m'a-t-il donc coûté si peu d'effacer cette image de mon cœur ? La destruction de mon idole m'a trop fait saigner le cœur pour que je la replace de nouveau sur le piédestal. Il ne m'aimera jamais. » Elle se tordit sous la douleur, cette femme vaillante et résolue, en prononçant ces mots. « Il ne m'aimera jamais. » Elle savait qu'ils étaient vrais. Le temps aurait beau changer toutes choses, jamais il ne pourrait produire un changement semblable à celui-là. Il n'y avait pas un seul élément de sympathie entre elle et le jeune soldat. Ils n'avaient pas une pensée en commun. Plus encore, il existait entre eux un antagonisme absolu qu'Olivia reconnaissait pleinement malgré son amour. Sur le gouffre qui les séparait, aucune coïncidence d'idées, de sentiments, aucune émotion sympathique ne tendrait jamais sa chaîne électrique pour les rapprocher dans une union mystérieuse. Ils étaient écartés l'un de l'autre par toute la largeur de l'univers intellectuel. Olivia savait cela, il se haïssait à cause de sa folie. Elle méprisait à la fois et son amour et celui qui en était l'objet, mais son amour n'en subsistait pas moins malgré son mépris. C'était une folie que rien ne soutenait dans son âme et qui luttait seule contre toutes ses aspirations meilleures, ses pensées plus sages pour les dominer. Nous connaissons tous d'étranges histoires au sujet de grands esprits qui se sont laissés subjuguer par quelques fantaisies lunatiques, quelque horrible monomanie. Si Olivia Marchmont eût vécu quelques siècles avant, elle serait allée tout droit vers la première mégère venue et l'aurait hardiment accusée d'être la cause de son malheur. Vous avez un chat noir et d'autres vilaines bêtes nuisibles, et vous rôdez la nuit en marmottant vous-même, lui aurait-elle dit probablement. On vous a vu cueillir des herbes et faire des signes magiques avec vos mains paralysées. Le chat noir et le diable, votre patron et les rats, sous votre toit en ruine, sont les mauvais esprits, vos associés. C'est vous qui avez fait naître en mon âme cette horrible folie, car elle n'a pu venir toute seule. » Et Olivia Marchmont, étant d'un caractère ferme et résolu, n'aurait eu ni cesse ni relâche tant que la sorcière qui la tourmentait n'aurait pas expié son œuvre criminelle sur le bûcher de la ville voisine. Et par le fait, quelques-unes de nos folies sont si folles, quelques-unes de nos erreurs sont si incroyables, que nous sommes presque excusables de croire qu'il y a eu quelques sabbats d'affreuses sorcières sur un invisible Brocken, et que des incantations ont été faites pour notre destruction. Prenez un journal et lisez les i de détails du crime et de la folie, et vous vous demanderez involontairement si la sorcellerie est une triste invention du Moyen-Âge ou bien une affreuse vérité du XIXe siècle. Quelques-unes de ces misérables créatures dont nous lisons l'histoire n'ont-elles pas dû être possédées par des démons qui les ont tourmentées et excitées sans trêve ni repos, jusqu'à ce qu'aucun des sombres et des abîmes du crime n'était plus assez sombre et assez hideux pour les satisfaire. Olivia Marchmont aurait pu être une femme grande et bonne. Elle avait en elle tous les éléments de la grandeur. Elle avait le génie, la résolution, un courage indomptable, une volonté de faire, la persévérance, l'abnégation, la tempérance, la chasteté. Mais à côté de toutes ces qualités, existait un amour fatal et sans bornes pour la belle figure d'un jeune homme et pour ses manières franches et cordiales. Si elle n'eût jamais rencontré Edward Arundel, son âme, que rien n'enchaînait, eût pu planer dans les sphères les plus élevées, mais domptée, entravée par son amour pour lui, elle se traîna sur la terre comme un aigle meurtri et blessé qui voit ses pareils parcourir le vaste empyré et gémit de son impuissance. « Qu'est-ce qui me fait l'aimer ? » songeait-elle. « Est-ce parce qu'il a des yeux bleus et des cheveux châtains où se jouent des rayons d'une lumière dorée ? Est-ce parce qu'il a les manières d'un gentleman, qu'il est sans gêne, charmant, cordial et gai ? Est-ce parce qu'il a des allures cavalières et l'air d'un homme à la mode ? Ce doit être assurément pour l'une ou l'autre de ces causes, car je ne vois rien de plus sans lui. De tout ce qu'il a pu me dire, je ne peux rien me rappeler. Et Dieu sait que je n'ai oublié aucune de ses paroles les plus insignifiantes, qu'une personne sensée trouverait bon de répéter. Il est brave, c'est probable, et généreux aussi, mais il ne l'est ni plus ni moins que d'autres hommes de son rang et de sa position. » Elle était perdue dans une rêverie de cette nature pendant que les restes mortels de son mari étaient transportés dans le caveau des maîtres de Marchmont Towers et de leur famille. Elle était absorbée par des pensées à peu près pareilles, quand un des vieux serviteurs à tête grise et à figure grave lui apporta une carte sur un lourd plateau blasonné aux armes des Marchmont. Olivia prit la carte presque machinalement. Il y a des pensées qui nous entraînent bien loin des occupations ordinaires de la vie, et il n'est pas facile de revenir à la routine habituelle. La veuve passa sa main gauche sur son front avant de lire le nom inscrit sur la carte qu'elle tenait de la droite. « Monsieur Paul Marchmont. » Elle tressaillit en lisant ce nom, « Paul Marchmont. » Elle se souvint de ce que son mari lui avait dit sur cet homme. Ce n'était pas long, car les sentiments de John au sujet de son cousin avaient été d'une nature si vague qu'il avait craint de les soumettre à l'examen de sa femme. Il lui avait donc dit que Paul ne lui plaisait pas beaucoup et qu'il désirait qu'il ne s'établît aucune intimité entre l'artiste et Mary, mais il n'avait rien dit de plus. « Ce gentleman désire me voir, je suppose ?» dit Mrs. Marchmont. « Oui, madame. Le gentleman est arrivé à Camberley par le train de Londres de 11h05 et il est venu ici dans l'un des cabriolets de Harris. Dites-lui que je vais me rendre auprès de lui sur le champ. Est-il au salon ? Oui, madame. » Le domestique salua et se retira. Olivia resta auprès du feu, un pied sur un des chenets et le coude appuyé sur la cheminée en chêne sculptée. « Paul Marchmont ? Il est venu pour les funérailles, je suppose. Il attend sans doute à figurer dans le testament. D'après ce que m'a dit mon mari, je pense qu'il sera désappointé de ce côté-là. Paul Marchmont. Si Mary venait à mourir sans s'être mariée, cet homme ou ses sœurs hériteraient de Marchmont Towers. » Il y avait une glace sur la cheminée, une glace étroite, oblongue, avec un cadre en chêne sculpté qui penchait en avant. Olivia se regarda dans cette glace en réfléchissant et lissa sous son bonnet les épais bandeaux de sa chevelure noire. « Il y a des gens qui me trouveraient belle, » se dit-elle en faisant à son image une mine renfrognée. « Et pourtant j'ai vu les yeux d'Edward Arundel se détourner de ma figure pour suivre le vol des hirondelles au soleil, ou regarder les feuilles de lierre battre contre le mur. » Elle s'éloigna de la glace avec un soupir et entra dans un sombre corridor. les volets de toutes les chambres principales et des fenêtres donnant sur le grand escalier étaient encore fermés. Le large vestibule était obscur et triste, et des gouttes de pluie tombaient de temps en temps sur les grandes bûches entassées dans le large foyer antique. Le brouillard de la matinée d'octobre avait annoncé une journée pluvieuse. Paul Marchmont était assis dans une chauffeuse en face d'un bon feu dans le salon occidental, et la lueur du foyer éclairait en plein sa figure. C'était une belle figure que la sienne, ou peut-être, pour parler plus exactement, c'était une de ces figures qu'on appelle généralement intéressantes. Les traits étaient très délicieux et très fins. Les yeux gris bleu pâle étaient ombragés de sourcils bruns, et la bouche petite et féminine était surmontée d'une moustache brune peu épaisse, au-dessous de laquelle se voyait très bien la teinte rosée des lèvres. Mais c'était la chevelure de Paul Marchmont qui donnait quelque chose de particulier à son extérieur, nullement en dehors du commun. Sans cela, cette chevelure fine, soyeuse et luxuriante était blanche, quoique celui qui la possédait ne dût guère avoir plus de 37 ans. Le visiteur inattendu se leva à la pression d'Olivia Marchmont. « J'ai l'honneur de parler à la veuve de mon cousin, » dit-il avec un sourire courtois. « Oui, je suis Mrs. Marchmont. » Olivia prit place auprès du feu. La journée était froide et triste, et l'on frissonnait dans la sombre maison. Mrs. Marchmont grelotta en allongeant vers la flamme sa main longue et amaigrie. « Et vous êtes sans doute surprise de me voir ici, Mrs. Marchmont ?» dit l'artiste, s'appuyant contre le dossier de sa chauffeuse et prenant l'attitude aisée d'un homme qui se croit chez lui. « Mais croyez bien que, quoique je n'ai jamais profité d'une lettre amicale envoyée par le pauvre John... » Paul Marchmont s'arrêta un moment et examina attentivement la figure de la veuve, mais aucune expression de douleur, aucune trace d'émotion n'apparut sur cette physionomie inflexible. « Quoique, je le répète, je n'ai jamais profité d'une espèce d'invitation générale à venir tuer ses perdrix ou lui emprunter de l'argent ou user de tous ces autres petits privilèges que réclament généralement les parents pauvres, il ne faut pas supposer, chère Mrs. Marchmont, que j'eusse complètement oublié Marchmont Towers ou son propriétaire, mon cousin. Je ne suis pas venu ici parce que j'avais à travailler et que l'oisiveté d'une maison de campagne eût été la ruine pour moi. Mais j'ai entendu quelquefois parler de mon cousin par des voisins à lui. « Des voisins ?» répéta Olivia d'un ton de surprise. « Oui, des gens assez rapprochés d'ici pour se dire voisins de campagne. Ma sœur habite Stanfield. Elle est mariée au médecin de cette agréable ville. Vous connaissez Stanfield, sans doute. Non, je n'y suis jamais allé. C'est à 25 000 d'ici. Oh, alors c'est trop loin pour une promenade en voiture. Oui, ma sœur habite Stanfield. John ne l'a connue guère dans son adversité. Il est donc excusable de l'avoir oubliée dans sa prospérité. Mais elle ne l'a pas oublié, lui. Nous autres, parents pauvres, nous avons la mémoire excellente. Les gens de Stanfield ont si peu de sujets de conversation qu'il n'est pas étonnant qu'ils cherchent à savoir les affaires de la grande bourgeoisie campagnarde qui vit autour d'eux. J'ai eu des nouvelles de John par ma sœur. C'est par elle que j'ai appris son mariage. » Il s'inclina vers Olivia en parlant ainsi. « Et je lui écrivis immédiatement pour le féliciter. » Il s'inclina de nouveau. « Et c'était par Lavinia Weston, ma sœur, que j'ai su la mort du pauvre John, un jour avant que les colonnes du Times eussent publié la nouvelle. Je regrette d'être arrivé trop tard pour les funérailles. J'aurais voulu rendre à mon cousin le dernier tribut d'estime qu'un homme puisse rendre à un autre. « Vous désirez entendre la lecture du testament ?» dit Olivia d'un ton interrogateur. Paul Marchmont haussa les épaules et fit entendre un faible éclat de rire insouciant. Cet éclat de rire n'avait rien d'indécent. Tout ce que cet homme disait ou faisait semblait toujours à propos et convenable. Les gens qui ne l'aimaient pas étaient forcés d'avouer qu'ils n'avaient aucun motif pour cela et qu'ils agissaient d'après les principes du docteur Till, car il était impossible de trouver à redire à ses actions ou à ses manières. « Cet important document légal ne peut m'intéresser que médiocrement, chère Mrs. Marchmont, » dit-il gaiement. « John n'a pu me laisser quelque chose. Je connais trop bien les termes du testament de mon grand-père pour avoir eu des espérances intéressées en venant à Marchmont Towers. » Il s'arrêta et regarda la figure impassible d'Olivia. « Quel motif a pu pousser cette femme à épouser mon cousin ?» se dit-il. « John n'avait pas grand-chose à laisser à sa veuve. » Il joua avec les breloques de sa chaîne de montre et regarda le feu pendant quelques instants comme quelqu'un qui réfléchit. « Miss Marchmont, ma cousine Marie Marchmont, devrais-je dire, supporte bravement cette perte, j'espère. » Olivia haussa les épaules. Je regrette d'avouer que ma belle-fille montre fort peu de résignation chrétienne, dit-elle. Et ensuite, une voix moqueuse se fit entendre en elle qui lui disait « Quelle résignation montres-tu, toi ? Toi qui devrais être si bonne chrétienne, comment as-tu dompté ton corps rebelle ?»« Ma cousine est très jeune, » dit Paul Marchmont en cet instant. « Elle a eu 15 ans, au mois de juillet dernier. »« 15 ans ?»« Elle est bien jeune pour être maîtresse de Marchmont Towers et d'un revenu annuel de 11 000 livres, » reprit l'artiste. Il s'approcha de l'une des grandes fenêtres et, écartant un côté de la persienne, il regarda la terrasse dallée et la vaste perspective que commandait la maison. La pluie tombait sur les marches en pierre. Les gouttes d'eau se suspendaient aux décorations grimaçantes de la balustrade sculptée et pénétraient dans les écussons recouverts de mousse et les côtes d'armes à moitié effacées. Les saules pleureurs sur les bords des mares dans le lointain et un peuplier solitaire près de la maison se dessinaient noirs et lugubres sur le ciel gris. Paul Marchmont laissa retomber la persienne et s'éloigna de ce triste paysage avec un geste à moitié méprisant. « Je ne crois pas en somme que je porte envie à ma cousine, » dit-il. « Cet endroit est aussi affreux que Motel Grange de Tennyson. » Un bruit de roue se fit entendre dans l'allée carrossière devant la terrasse, et au bout d'un moment, des voix étouffées troublèrent le silence du vestibule. M. Richard Paulet et les deux médecins qui avaient soigné John Marchmont étaient revenus aux Towers pour la lecture du testament. Hubert Arundel s'était joint à eux, mais les autres personnes du cortège avaient pris le chemin de leur demeure. L'entrepreneur des pompes funèbres et ses hommes étaient rentrés eux aussi à Marchmont Towers par la porte de côté et se régalaient de leur mieux maintenant que leur triste tâche était achevée. Le testament devait être lu dans la salle à manger, et M. Paulet et le clerc qui l'avaient accompagné étaient déjà assis à un bout de la longue table en chêne où ils arrangeaient plumes, encre et papier et se donnaient un air d'importance que ne comportait pas la circonstance. Olivia fut au vestibule pour parler à son père. Vous trouverez l'avoué de M. Marchmont dans la salle à manger, dit-elle à Paul, qui examinait quelques-uns des vieux tableaux appendus au mur du salon. Un grand feu était allumé dans une immense grille au fond de la salle à manger. Les persiennes avaient été relevées. Il n'était plus nécessaire que la maison fût plongée dans les ténèbres. La mort s'en était éloignée, et toute la lumière que pouvait fournir le ciel nuageux d'octobre entra librement dans les appartements, que la mort d'une créature paisible et peu gênante avait assombri pendant quelque temps. Il ne régnait d'autre bruit dans la salle que celui de la causerie à voix basse des deux docteurs sur le malade qui n'était plus et celui du froissement des papiers entre les mains de l'avoué. Le clerc, qui était respectueusement assis un peu en arrière de son patron et tout à fait au bord de son lourd fauteuil recouvert en maroquin, avait donné jadis ses ordres à John Marchmont et l'avait sermonné quand il était en retard pour sa besogne quelques années auparavant dans l'étude de Lincoln's Inn. Il se demandait maintenant si son nom serait consigné dans le testament du mort comme légataire d'un anneau de deuil ou d'une tabatière en argent façonnée à l'ancienne mode. Richard Paulet releva la tête lorsqu'Olivia et son père entrèrent dans la salle, suivis à peu de distance par Paul Marchmont qui marchait lentement, regardait les encadrements sculptés des portes et les tableaux accrochés à la boiserie et semblait, comme il l'avait dit lui-même, se préoccupait fort peu de l'importante affaire du moment. « Nous avons besoin que Miss Marchmont soit présente dans la salle, » dit M. Paulet, en quittant des yeux ses papiers. « Est-il nécessaire qu'elle soit présente ?» demanda Olivia. « Très nécessaire. Mais elle est malade, elle est au lit. Il est très important qu'elle assiste à la lecture du testament. »« Peut-être, M. Bolton, » l'avoué regarda l'un des médecins. « Voudra-t-il se donner la peine de monter voir par lui-même, si Miss Marchmont peut descendre sans danger ?» M. Bolton, le médecin de Swampington, qui avait visité Mary dans la matinée, sortit avec Olivia. L'avoué se leva et se chauffa les mains à la flamme en causant avec Hubert Arundel et le médecin de Londres. Paul Marchmont, qui n'avait été présenté à personne, s'absorba dans la contemplation des peintures pendant un moment, puis il s'approcha du feu et entama la conversation avec les trois gentlemen en leur faisant savoir assez adroitement qui il était. L'avoué le regarda avec quelque intérêt. Un intérêt qui prenait sa source dans les exigences du métier probablement, car M. Paulet avait une copie du testament du vieux Philip Marchmont dans un des cartons qui portait le nom du pauvre John. Il savait que ce gentleman, aux manières agréables, aux allures sans façon et à la claire chevelure, était le Paul Marchmont désigné dans ce document et qu'après Mary ce serait lui qui aurait l'héritage. Mary pouvait mourir sans s'être mariée, et il n'en coûtait pas plus d'être poli et amical envers un homme qui deviendrait peut-être un client. Les quatre gentlemen demeurèrent pendant quelque temps plantés sur le tapis de turquie du foyer, parlant du mort, du mauvais temps, du froid, de l'automne, de la cherté des perdrix, et autres sujets de conversation très peu compromettants. Olivia et le médecin de Swampington restèrent longtemps absents, et Richard Paulette, qui tournait le dos au feu, regardait de temps en temps vers la porte. Elle s'ouvrit, et Mary Marchmont entra dans la salle, suivie de sa belle-mère. Paul Marchmont se retourna au bruit que fit en s'ouvrant la porte massive, et il vit pour la première fois sa seconde cousine, la jeune héritière de Marchmont Towers. Il tressaillit en la regardant, quoique son mouvement fût à peine perceptible et un changement se produisit sur sa figure. La teinte rosée et féminine de ses joues s'effaça soudainement et fut remplacée par la pâleur. C'était une particularité chez Paul Marchmont et qui datait de son enfance de devenir pâle chaque fois qu'il éprouvait une vive émotion. Quelle était cette émotion qui faisait maintenant blanchir ses joues? Sa pensée était celle-ci. Cette fragile créature que je vois, est-elle la maîtresse de Marchmont Towers? N'y a-t-il entre moi et 11 000 livres de rente que ce frêle souffle de vie? La vie qui se répandait en dehors de cette faible enveloppe terrestre semblait en effet n'être qu'une flamme vacillante et peu vivace qu'éteindrait sans difficulté le moindre souffle grossier du monde extérieur. Mary Marchmont était affreusement pâle. Un cercle noir se dessinait autour de ses yeux bruns et fixes. Son vêtement de deuil, neuf et roide, avec une frange en crêpe sans lustre, semblait beaucoup trop large pour sa maigre personne. Ses cheveux bruns, si doux, humides encore au-dessus de son front qu'elle avait baigné d'eau froide, tombaient en désordre sur ses épaules. Ses yeux étaient secs et sa petite bouche terriblement comprimée. La rigidité de sa physionomie indiquait avec quelle peine elle parvenait à étouffer sa douleur. Elle s'assit dans un fauteuil qu'Olivia lui indiqua, et plaçant ses mains sur le mouchoir blanc qu'elle tenait sur ses genoux, elle attendit, les yeux baissés, la lecture du testament de son père. Ce serait la dernière fois qu'elle entendrait les paroles de ce cher père. Elle se souvint de cela, et elle fut prête à écouter attentivement, mais elle oublia toute autre chose. Que lui importait d'être la seule héritière d'une grande maison et de 11 000 livres par an? Jamais de sa vie, elle n'avait songé la fortune du Lincolnshire pour son usage à elle ou pour ses plaisirs. Il y pensait moins que jamais maintenant. Le testament était daté du 4 février 1844, juste 2 mois après le mariage de John. Il avait été fait par le maître de Marchmont Towers sans l'assistance d'un avoué et n'avait été signé que par la femme de charge de John et par Corson, le vieux domestique de confiance qui avait servi le prédécesseur de M. Marchmont. Richard Paulette commença la lecture et Mary, pour la première fois, depuis qu'elle avait pris place au coin du feu, leva les yeux et écouta sans respirer et les lèvres légèrement tremblantes. Olivia était assise auprès de sa belle-fille et Paul Marchmont se tenait dans une attitude nonchalante, debout à un coin de la cheminée contre laquelle il s'appuyait du dos. Le testament du défunt était conçu en ces termes. « Moi, John Marchmont, de Marchmont Towers, je déclare que ceci est l'expression de ma dernière volonté et mon testament. » Persuadé que ma fin approche, je sens que ma fille Mary sera sans protection aucune de la part d'un gardien naturel. J'avais espéré, étant pauvre, que mon jeune ami Edward Arundel aurait été pour elle un ami et un conseiller, mais la jeunesse de ma fille et la position qu'occupe ce jeune homme détruisent toute espérance de ce côté, et comme je puis mourir avant que le rêve que je caressais se réalise, et que peut-être il ne se réalisera jamais maintenant, je tiens à pourvoir autant qu'il est en moi, par mon testament, à la tutelle et à la protection de ma chère petite Mary pendant sa minorité. Je désire donc que ma femme, Olivia, soit tutrice, conseillère et mère de ma petite Mary, et que mon enfant soit placé sous la tutelle de ma femme. Héritière d'une fortune considérable, je voudrais qu'elle se laissât guider par les conseils de ma dite femme dans l'administration de ses biens et surtout dans le choix d'un mari. Comme ma petite Mary aura à ma mort le domaine du Lincolnshire, je ne lui lègue rien par mon testament, mais j'enjoins à mon exécutrice de lui offrir une bague en diamant qu'elle portera en mémoire de son père afin que je sois toujours présent dans ses pensées et qu'elle songe aux désirs que j'exprime relativement à sa vie future tant qu'elle ne sera pas majeure et capable de se gouverner elle-même. Je prie aussi mon exécutrice de faire cadeau à mon jeune ami Edward Arundel d'une bague en diamant de 100 guinées au moins comme preuve de l'estime et de l'affection que j'ai toujours eue pour lui. Quant aux biens réels et personnels dont je pourrais disposer à ma mort, je les lègue sans restriction à ma femme Olivia. Je désigne ma dite femme pour mon exécutrice testamentaire et la tutrice de ma chère petite Mary. » Il y avait encore quelques legs insignifiants, entre autres un anneau de deuil pour le clerc, qui s'y attendait, et c'était tout. Paul Marchmont avait eu raison. Personne moins que lui n'était intéressé à ce testament. Mais il paraissait réellement s'intéresser à la veuve et la fille de John. Il essaya de lier conversation avec Mary, mais il s'aperçut qu'il désirait ne pas être ennuyé. Et du reste, M. Bolton s'approcha de la malade presque aussitôt après la lecture du testament et l'accapa pour ainsi dire. Mary fut bien aise de quitter la salle à manger et de remonter dans sa chambre obscure où Esther Pollard cousait tranquillement. Olivia abandonna sa belle-fille aux soins de cette humble compagne et revint à la longue salle à manger où les gentlemen flânaient toujours au coin du feu sans savoir que faire de leur personne. Mrs. Marchmont ne pouvait faire moins que d'inviter Paul à passer quelques jours aux Towers. Elle était virtuellement maîtresse de la maison pendant la minorité de Mary, et c'était sur elle que retombaient les soucis, les devoirs et la responsabilité d'une position semblable. Son père devait rester avec elle jusqu'à la fin de la semaine, et il pourrait s'occuper de M. Marchmont. Paul accepta sans hésiter l'hospitalité de la veuve. « La vieille maison était pittoresque et intéressante, dit-il. Il y avait quelques holbains véritables dans le vestibule et la salle à manger, et un lit parfait au salon. » Il s'accorderait quelques jours de congé et se rendrait à Stanfield par le premier train de samedi. « Je n'ai pas vu ma sœur bien longtemps, » ajouta-t-il. « Sa vie est passablement triste et monotone, et elle ne sera pas fâchée de me revoir à mon passage pour retourner à Londres. » Olivia s'inclina. Elle n'engagea pas M. Marchmont à prolonger sa visite. Sa politesse n'alla pas au-delà des limites les plus étroites. Elle passa la majeure partie de son temps dans le cabinet du défunt. Pendant les 2 jours où Paul fut présent, et elle laissa l'artiste presque entièrement seul avec son père. Mais elle fut forcée de paraître à dîner où elle venait prendre sa place habituelle au bout de la table, et Paul eut ainsi l'occasion de sonder les profondeurs de la plus étrange créature qu'il eût jamais essayé de déchiffrer. Il lui parla beaucoup, et écouta avec une attention marquée chaque mot prononcé par elle. Il l'observait, mais sans l'importuner du regard, presque constamment, et quand il s'éloigna de Marchmont Towers, sans avoir revu Mary depuis la lecture du testament, c'était à Olivia qu'il songeait, c'était le souvenir d'Olivia qui l'intéressait autant qu'il l'intriguait. Les quelques personnes qui assistaient à l'arrivée du train de Londres regardèrent l'artiste qui arpentait de long en large la gare de la station de Camberling, la tête baissée et les sourcils légèrement contractés. Il y avait dans son allure et son costume une certaine grâce facile et insouciante qui s'harmonisait bien avec sa figure délicate, ses cheveux soyeux et argentés, sa moustache bien frisée et sa bouche de femme rosée. C'était un homme d'un extérieur romanesque. Il était le beau idéal du héros dans un roman de jeune fille. Il représentait le personnage que les pensionnaires auraient appelé un bien-aimé, mais il eût, je crois, mieux valu pour n'importe quelle malheureuse de tomber entre les mains du plus féroce des Bill Sykes déchaînés sur la société après avoir fait son temps au bagne, que de tomber dans celle de Paul Marchmont, artiste et professeur de dessin dans Charlotte Street, Fitzroy Square. Il songeait à Olivia en se promenant sur la plateforme déserte, qui n'était séparée que par une barrière en bois, des champs qui environnent Camberling. « La petite fille est aussi faible qu'un pauvre papillon de février, » disait-il. « Une bouffée de vent glacé suffirait pour l'emporter. Mais cette femme, comme elle est belle, avec son profil où rien ne manque et sa bouche de fer, quelle est donc ce feu intérieur qui la consume et dévore sa beauté nuit et jour. Si je voulais peindre la scène du somnambulisme dans Macbeth, je lui demanderais de poser pour la terrible femme du Thane. Peut-être couvre-t-elle quelque secret aussi affreux que celui du meurtre d'un Duncan à tête grise. Peut-être quitte-t-elle sa chambre au milieu de la nuit pour parcourir les longs corridors boisés des Towers et se tordre dans les mains en gémissant tout endormi. Pourquoi a-t-elle épousé John Marchmont? De son vivant, il ne lui a guère donné qu'une belle maison habitée, et maintenant qu'il est mort, il ne lui laisse que 10 ou 12 000 livres en 3%. Quel est son mystère? Quel est son secret? Elle en a un, j'en suis sûr. Des pensées semblables occupaient son esprit pendant que le train l'emportait loin de la station isolée, loin de Marchmont Towers, où Mary reposait dans sa tranquille chambrette, pleurait son père qui n'est plus, et regrettait de tout son cœur, Dieu le sait, de n'avoir pas été enterrée à côté de lui dans le caveau.